Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Les passages en latin sont supprimés dans cet enregistrement, les traductions demeurent. Chapitre 6. Comment les trois vertus théologales doivent perfectionner les trois puissances de l'âme? Comment elles doivent les établir dans le vide et les ténèbres? Citation à ce sujet de deux autorités, l'une de Saint-Luc et l'autre d'Isaïe. Ayant à parler du moyen d'introduire les trois puissances de l'âme, l'entendement, la mémoire et la volonté, dans la nuit spirituelle qui les conduira à l'union divine, il est à propos de consacrer tout d'abord ce chapitre aux trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi produit le vide et l'obscurité dans l'entendement, l'espérance dans la mémoire, et la charité dans la volonté. Nous exposerons successivement comment l'entendement doit se perfectionner dans l'obscurité de la foi, comment l'espérance dispose la mémoire à faire le vide en elle, enfin comment la volonté doit entrer dans la privation et le dépouillement de toute affection pour s'unir à Dieu. Cela fait, on verra clairement combien il importe à toute âme qui veut avancer avec sécurité dans le chemin spirituel de s'appuyer sur ces trois vertus qui la dégagent si parfaitement de toutes les choses créées. Nous le répétons encore, l'âme eût cette vie ne s'unit à Dieu par rien de ce que les sens peuvent lui donner à entendre, à goûter ou à imaginer, mais elle s'y unit dans l'entendement par la foi, dans la mémoire par l'espérance, cette vertu produisant l'oubli et le vide de toutes les choses caduques et temporelles. Donne à l'âme la facilité de se conserver tout entière pour le souverain bien qu'elle espère, elle peut donc se rapporter à la mémoire, quoiqu'elle réside dans la volonté, enfin l'âme s'y unit par l'amour qui touche directement à la volonté, ces trois vertus opèrent ainsi le vide dans les puissances, la foi prive l'entendement de ses connaissances, en lui révélant des vérités qu'il est impuissant à saisir par sa raison et sa lumière naturelle. Saint Paul ne nous dit-il pas à cette occasion, la foi est le fondement des choses que l'on espère, citation, Hébreux, 11, 1, l'entendement acquiesce à ces vérités avec fermeté et certitude, sans en avoir une connaissance claire et évidente, parce que, si elles étaient manifestes, il n'y aurait plus de foi. En effet, les vérités que cette vertu nous propose sont certaines, mais toujours enveloppées d'une mystérieuse obscurité. De même, l'espérance place la mémoire dans le vide et les ténèbres par rapport aux choses de la terre et du ciel. Ceci n'est pas douteux, car l'espérance se porte toujours sur ce qui n'est pas en notre possession. Nous n'espérons plus ce dont nous jouissons. L'espérance d'un bien qui se voit n'est plus espérance, dit saint Paul. Ce que l'on voit, c'est à dire ce que l'on possède. Comment l'espère-t-on? Romains 8, 24. Cette vertu opère donc aussi le vide, en s'exerçant non sur le bien dont nous jouissons, mais sur celui que nous n'avons point. La charité produit également le vide et le dépouillement dans la volonté. L'obligation qu'elle nous impose d'aimer Dieu par-dessus toute chose ne peut s'accomplir sans dégager nos affections de tous les biens spirituels et temporels, pour les concentrer en Dieu seul. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit par saint Luc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, par la volonté, ne peut être mon disciple. Citation, Luc 14, 33. Donc, en résumé, Les trois vertus théologales établissent l'âme dans les ténèbres et le vide absolu. Il est bon d'appliquer à ce sujet la parabole, rapportée par le même évangéliste, de cet homme qui vint au milieu de la nuit demander trois pains à son ami, Luc 11, 5. Ces pains sont le symbole des trois vertus théologales. C'est, en effet, au milieu de la nuit que nous les sollicitons, c'est-à-dire que la perfection de ces trois vertus s'acquiert lorsque les puissances de l'âme sont dans l'obscurité. Au chapitre 6 d'Isaïe, nous lisons que les deux séraphins entrevus par le prophète de chaque côté du trône de Dieu avaient chacun six ailes, deux de ces ailes servaient à voiler leurs pieds, ce qui signifie l'abnégation et le dénuement de la volonté à l'égard de toute chose. Ils se voilaient la face avec deux autres ailes, ce qui figure l'obscurité de l'entendement en présence de Dieu. Enfin, ils se servaient des deux dernières pour voler. C'est l'image de l'espérance qui doit s'élever vers les choses que l'on ne possède pas, en planant au-dessus de tout ce dont on peut jouir en dehors de Dieu. Efforçons-nous donc de disposer les trois puissances de notre âme, par le dépouillement et le vide absolu, à recevoir la plénitude de ces trois vertus. Vivifions l'entendement par la foi, dépouillons la mémoire de toutes ses possessions par l'espérance, et affermissons la volonté par la charité. Telle est la nuit spirituelle que nous avons appelée active, à cause des efforts réitérés que l'âme fait pour y entrer, après avoir indiqué, dans la nuit des sens, le moyen de dégager les puissances sensitives de l'affection aux objets sensibles, pour faciliter à l'âme le passage de l'état naturel à l'état surnaturel, c'est-à-dire à la vie de la foi. Nous expliquerons maintenant, avec l'aide de Dieu, la manière de dépouiller et de purifier les puissances spirituelles dans la nuit de l'esprit. Nous dirons ensuite comment elles doivent se maintenir dans les ténèbres produites par ces trois vertus, dont l'exercice prédispose infailliblement l'âme à s'unir à Dieu. Les ombres de cette nuit nous mettent à l'abri des ruses du démon, de l'illusion de l'amour, propre et de toutes ses ramifications. Ces tromperies subtiles sont la cause malheureusement trop fréquente des retardements de l'âme dans la voie de l'union, faute de n'avoir pas pris pour y arriver le chemin le plus court et le plus direct. En d'autres termes, de n'avoir pas su se dégager d'elle-même, ni rester sous la dépendance de ces trois vertus. Jamais elle ne parviendra à posséder l'excellence de ce bien spirituel dans toute sa pureté. Je prie le lecteur de remarquer que je m'adresse ici spécialement à ceux qui sont déjà entrés dans la voie contemplative. Plus tard, je donnerai aux commençants des instructions plus détaillées conformes à leurs besoins. Chapitre 7. Combien est étroit le sentier qui conduit à la vie? Combien il faut être libre et dégagé de tout pour y marcher? Du dépouillement de l'entendement. Le sujet que j'aborde exigerait une science plus profonde et un esprit plus élevé que le mien. Il s'agit de faire comprendre aux âmes spirituelles combien est étroit le chemin que notre divin Sauveur affirme conduire à la vie. Une fois bien convaincues de cette vérité, elles ne s'étonneront pas du vide et du dépouillement dans lesquels toutes leurs facultés doivent demeurer pendant cette nuit. Prêtons une sérieuse attention aux paroles que notre Seigneur nous adresse par saint Matthieu, parole dont nous allons faire l'application à cette nuit obscure, et à cette voie sublime de la perfection. Combien la porte de la vie est étroite, combien la voie qui y mène est resserrée, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Matthieu 7, 14. Le poids et la force de cette expression, combien, est très digne de remarque. C'est comme si le Seigneur eût voulu dire, en vérité, la voie est bien étroite, et plus que vous ne le pensez. Notons encore que le Sauveur dit premièrement, la porte est étroite, pour nous insinuer que l'âme désireuse d'entrer par cette porte du Christ, qui est le commencement de la voie, doit d'abord réduire et dépouiller sa volonté, par rapport à toutes les choses sensibles et temporelles, les dominant toutes par son amour pour Dieu. Ce travail est le fruit de la nuit des sens, dont nous avons déjà parlé. Le divin maître ajoute, la voie qui y mène, c'est à dire la voie de la perfection, est resserrée, pour nous apprendre qu'il ne suffit pas à l'âme d'entrer par la porte étroite en abandonnant tout le sensible, mais en outre que, pour faire de rapides progrès, elle doit s'affranchir et se désapproprier de tous les biens où la partie spirituelle pourrait se complaire. Les mots de porte étroite peuvent s'appliquer à la partie sensitive de l'homme, comme ceux de voie resserrée s'entendent de la partie raisonnable et spirituelle. Pourquoi si peu d'âmes trouvent-elles l'accès de la porte étroite? C'est qu'il y en a fort peu aussi qui veulent entrer dans le vide et le dénuement complet de l'esprit. Le sentier de la perfection est étroit et escarpé, parce qu'il tend vers le sommet de cette sublime montagne. Dieu exige donc des voyageurs qui ne portent aucune charge dont le poids les entraîne vers le bas, et ne souffrent aucun obstacle qui les entrave dans leur ascension, Dieu seul étant l'objet de leurs recherches et de leurs aspirations, doit être aussi le seul terme de leurs désirs. Il ne suffit pas d'être dégagé de tout ce qui vient de la part des créatures, mais il faut s'affranchir et se dépouiller totalement au point de vue des facultés spirituelles. Notre Seigneur nous introduit lui-même dans cette voie, en nous donnant par Saint Marc une doctrine admirable, mais, si j'ose le dire, d'autant moins pratiquée qu'elle est plus nécessaire. Elle est si utile et vient si bien à propos ici, que je vais la rapporter et l'expliquer dans le sens littéral et spirituel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver son âme la perdra, et celui qui la perdra pour l'amour de moi, la sauvera. Citation, Marc 8, 34, 35. À qui pourrait faire comprendre, aimer et pratiquer tout ce que renferme cette leçon si sublime de renoncement à soi-même. Combien il est désirable que les hommes spirituels apprennent la conduite qu'ils doivent tenir en ce chemin, conduite toute différente de celle qu'un grand nombre d'entre eux s'imaginent être la bonne. D'après l'opinion des uns, il suffit de réformer ses habitudes et d'embrasser une retraite quelconque. D'autres se contentent de pratiquer jusqu'à un certain point les vertus, de faire oraison et de se mortifier, mais ni les uns ni les autres ne s'adonnent au véritable détachement et à la pauvreté d'esprit, au renoncement et à la pureté intérieure, dont le Seigneur nous montre ici la nécessité absolue. Bien loin de là, il cherche encore à nourrir et à flatter la nature par des consolations sensibles, au lieu de lui retrancher toute satisfaction pour l'amour de Dieu. Pour eux, c'est assez de la mortifier dans les choses du monde. Ils ne veulent pas l'anéantir complètement, ni lui refuser toute recherche spirituelle. Aussi fuient-ils comme la mort la pratique de cette vertu solide, qui est le renoncement aux douceurs célestes. Ils repoussent la sécheresse, le dégoût, le travail, autrement dit la croix purement intérieure et la pauvreté d'esprit, qui rendrait leur vie conforme à celle de Jésus-Christ. Voulez savoir où vont leurs aspirations? Vers les jouissances, les suaves communications et le ravissement du Dieu. Or ce n'est point là pratiquer l'abnégation de soi-même, ni la nudité d'esprit, mais entretenir l'avidité spirituelle. Ces personnes se déclarent ainsi les ennemis de la croix de Jésus-Christ. Au contraire, l'homme vraiment spirituel recherche en Dieu l'amertume et non les délices. Il préfère la souffrance à la consolation, la privation de tout bien à la jouissance, les sécheresses et les afflictions aux douces communications du ciel, bien persuadé que c'est là suivre le Christ et se renoncer soi-même. Agir différemment, c'est se rechercher soi-même en Dieu, c'est s'attacher aux présences et aux faveurs de Dieu, ce qui est diamétralement opposé à l'amour vrai, chercher Dieu purement, c'est non seulement se priver de tout plaisir, mais c'est encore se porter à choisir pour l'amour du Christ tout ce qu'il y a de moins attrayant soit dans le service de Dieu, soit dans les communications avec le monde. Tel est vraiment l'amour divin, ô qui pourra faire comprendre jusqu'où Dieu veut que nous portions ce renoncement. Ne doit-il pas être semblable à une mort, à un anéantissement de la volonté qui regarde le temps, la nature et même les biens de l'ordre spirituel? Voilà en quoi consiste le véritable avancement. Notre Seigneur nous le prouve par cet enseignement. Celui qui voudra sauver son âme la perdra, c'est-à-dire, celui qui recherchera avec attache la possession d'un bien quelconque, en sera privé. Au contraire, celui qui perdra son âme pour moi, la gagnera, ou pour mieux dire, celui qui renoncera pour le Christ à tous les désirs de sa volonté, et donnera la préférence aux amertumes de la croix, celui-là accomplira le précepte du Sauveur dans l'Évangile de Saint Jean, citation 12, 25. Il faut haïr son âme, et la gagnera infailliblement. La même doctrine fut donnée aux deux fils de Zébédée, qui demandaient d'être assis à la droite et à la gauche de leur divin maître, au lieu de condescendre à leur ambitieuse sollicitation, il leur offrit, comme une faveur plus certaine et plus précieuse que la jouissance de tous les biens, de partager le calice qu'il devait boire lui-même, Matthieu, 20, 21, 22. Or ce calice, c'est la mort de la nature, la destruction de ses goûts, de ses sentiments, de ses attraits au point de vue de la partie sensitive et de la partie spirituelle, de la sorte, non seulement l'âme se désappropriera d'elle, même dans chacune de ses parties, mais encore elle ne rencontrera pas d'obstacle du côté de l'esprit pour entrer dans la voie étroite, et gravir le sentier abrupt de la perfection, où il n'y a place que pour l'abnégation prescrite par Jésus. Christ, appuyé sur la croix comme sur un bâton de voyage, l'âme monte aisément, et trouve de merveilleuses douceurs à l'ombre même de la croix. Mon joug est-il rapporté en Saint Matthieu, et doux et mon fardeau est léger, Matthieu, 11, 30. En effet, si l'homme s'assujettit généreusement à porter cette croix, et si sa volonté se détermine à choisir en toute rencontre, et à supporter avec une virile énergie tous les travaux pour Dieu, il y trouvera un véritable allègement et une suavité ineffable. Ainsi, libre de tout désir frivole, il gravira rapidement les pentes escarpées de la montagne, mais s'il prétend posséder et s'approprier les biens spirituels ou temporels, il n'atteindra jamais ces bienheureuses cimes. Quel n'est pas mon désir de persuader aux âmes spirituelles que cette voie divine ne consiste pas dans la multiplicité des considérations, des moyens, ou des consolations. Utile cependant en commençant, l'unique nécessaire est de savoir se renoncer sincèrement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et de se vouer pour le Christ à la souffrance et à l'anéantissement le plus complet. C'est là l'exercice par excellence, où tous les autres sont éminemment compris, et dont on retire d'incalculables profits, comme c'est la racine et le résumé des vertus. Si on le néglige pour s'appliquer à d'autres pratiques, on prend l'accessoire pour le principal, et l'âme reste stationnaire. Elle d'ailleurs de très sublimes considérations et des communications fréquentes avec Dieu. Il n'y a de progrès réel que dans l'imitation du Christ qui nous dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi », Johann 14, 6. Il ajoute encore « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi il sera sauvé », Johann 12, 9. Donc si une âme voulait suivre une voie douce et facile, en s'éloignant des exemples de Jésus-Christ, quelle qu'elle fût d'ailleurs, je ne tiendrai pas son esprit pour bon. Je le répète, le Christ est la voie, entrer dans cette voie, c'est mourir à notre nature au double point de vue des sens et de l'esprit. Je vais maintenant expliquer comment ce résultat peut s'obtenir à l'imitation du Christ, notre modèle et notre lumière. Quant au premier genre d'immolation, il est certain que notre Seigneur durant le cours de sa vie mourut spirituellement aux choses sensibles, il y mourut naturellement sur le calvaire dans le plus absolu dénuement. Le Fils de l'homme n'a pas eu où reposer sa tête, Matthieu 8, 20. En second lieu, il est manifeste que ces derniers instants son âme, comme anéantie et délaissée de son Père, fut abandonnée sans consolation à toutes les amertumes d'une profonde sécheresse. Aussi s'écria-t-il sur la croix, « mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce fut là le plus grand délaissement sensible de sa vie. Et à ce moment s'accomplit une œuvre plus grande que toutes les merveilles et tous les miracles qu'il avait déjà opérés, la réconciliation du genre humain avec Dieu par la grâce, et l'union de la créature avec son Créateur par l'amour. Or, remarquez-le, c'est précisément à l'heure des plus grands anéantissements du Sauveur qu'il acquitta entièrement la dette de l'homme perverti, et effectua notre rédemption. Sa réputation était réduite à rien aux yeux des hommes, qui le voyant mourir sur le bois de la croix, loin de l'estimer lui prodiguaient l'outrage et l'insulte. Son esprit était également en proie au délaissement par la privation des joies et des témoignages de tendresse qu'il recevait de son Père. David prophétisant cette scène lugubre dit en son nom, « J'ai été réduit au néant et dans la dernière ignorance. » Psaume 72, 22. Le disciple fidèle aura ainsi l'intelligence du sens mystérieux de cette porte, de cette voie qui ne sont autres que le Christ, médiateur entre lui et Dieu, qu'il le sache bien. Plus il anéantira pour Dieu ses facultés sensitives et ses facultés spirituelles, plus il s'unira à lui et opérera de grandes œuvres. Enfin, parvenu à cet anéantissement, qui est le suprême degré de l'humilité. L'union sera consommée, c'est l'état le plus élevé auquel l'âme puisse prétendre en cette vie, il ne consiste pas en jouissance, en satisfaction, ni en sentiment spirituel, mais dans une mort, crucifiante pour les sens et pour l'esprit, à l'intérieur et l'extérieur. Je ne veux pas m'étendre plus longuement sur ce point, et cependant je ne voudrais jamais cesser d'en parler, sachant bien que Jésus-Christ est trop peu aimé de ceux-là même qui se disent ses amis. En effet, ne les voit-on pas chercher en lui leur goût et leur consolation, s'aimer beaucoup eux-mêmes, et fuir les amertumes et les anéantissements de la croix qu'ils devraient embrasser pour son amour? Quant à ceux qui se vantent de n'être pas du nombre de ses amis, ces grands docteurs, ces puissants seigneurs absorbés dans les prétentions et les honneurs du siècle, ceux-là, nous pouvons le dire, au sein de leur opulence ne connaissent pas le Christ, et leur mort, si bonne qu'elle puisse paraître, sera pleine d'angoisse. Il n'est pas question d'eux dans cet ouvrage, mais il en sera fait mention au jour du jugement. Car c'était à eux tout d'abord que s'adressaient ces enseignements divins, puisque par leur science et par leur dignité, ils auraient dû donner l'exemple aux autres. Occupons-nous maintenant des âmes spirituelles, et spécialement de celles qui sont plus favorisées de Dieu. Dans cet état de contemplation, hâtons-nous de dire comment la foi doit les conduire vers Dieu et les purifier, pour les disposer par une sévère mortification à entrer dans cet étroit sentier de la contemplation obscure. Chapitre 8. Aucune créature, aucune connaissance intellectuelle ne peut servir de moyen prochain à l'entendement pour parvenir à la divine union, aperçu général sur cette matière. Avant de parler de la foi, qui est le moyen par excellence pour s'unir à Dieu, il faut prouver comment nulle chose créée, nulle conception naturelle, ne peut servir à l'entendement de moyen immédiat pour l'union. Comment toutes les connaissances qu'il peut acquérir, lui sont plutôt une entrave qu'un secours, s'il veut s'y attacher. Dans ce chapitre, nous établirons cette vérité en thèse générale, nous réservant d'entrer plus tard dans le détail des notions que l'entendement peut acquérir. Par tous les sens intérieurs ou extérieurs, nous signalerons également les dommages que causent toutes ces connaissances, et les obstacles qu'elles apportent à l'unique moyen, qui est la foi, selon les règles de la philosophie. Tous les moyens doivent être proportionnés à la fin, et avoir avec elle quelque analogie. Par exemple, une personne veut se rendre dans une ville, elle doit nécessairement suivre la route, qui est le moyen pour y arriver, ou bien encore, pour faire prendre feu à du bois, il est indispensable de le préparer à la combustion par la chaleur, en employant un moyen contraire à celui qui lui est propre, tel par exemple que l'air, l'eau ou la terre. On n'obtiendra jamais la transformation du bois en feu. De même, pour consommer l'union de l'entendement avec Dieu, autant que cela est possible ici-bas, il faut absolument employer le moyen direct et le seul qui soit en rapport avec Dieu. Or, parmi toutes les créatures supérieures ou inférieures, il n'en est aucune qui se rapproche de Dieu, ni qui soit d'une essence semblable à la sienne. Les théologiens disent, il est vrai, que toutes ont une certaine relation avec Dieu et portent quelques vestiges de son être, les unes plus, les autres moins, selon leur degré d'excellence. Néanmoins, entre Dieu et elles, il n'y a aucun rapport, ni aucune similitude d'essence, bien plus, une distance infinie sépare son être divin de leur être borné. Voilà pourquoi les créatures de l'ordre céleste, ou terrestre, ne sauraient aider l'entendement à s'unir parfaitement avec Dieu. Puisqu'elles n'ont pas une analogie suffisante avec le Créateur, David parlant de la cour céleste dit, « Entre tous les dieux, c'est-à-dire parmi les saints anges et les âmes bienheureuses, il n'y en a point, Seigneur, qui vous soit semblable. » Psaume 85, 8. « Ô Dieu, s'écrit-il ailleurs, vos voix sont toutes dans la sainteté, quel est le Dieu aussi grand que notre Dieu ?» Psaume 76, 14. C'est comme si le psalmiste disait, « La voix qui conduit à vous, Seigneur, est sainte, et cette voix c'est la pureté de la foi. Demandez s'il est un Dieu aussi grand que le nôtre, c'est dire, ou trouver un saint tellement exalté en gloire, ou un ange d'une hiérarchie tellement élevée, qu'il puisse être comparable à votre grandeur, et nous servir de degré pour parvenir jusqu'à vous. Ô Seigneur, le même prophète ajoute, parce que le Seigneur est très élevé, il voit de haut les choses d'en bas, et c'est de loin encore qu'il regarde les choses élevées. Psaume 137, 6. Le Très-Haut dans son élévation suprême considère en effet les choses de la terre comme très viles, comparées à son être infini, et les choses plus hautes, à savoir les créatures célestes. Il les voit encore infiniment éloignées de son être. En un mot, toutes les créatures sont impuissantes à préparer immédiatement l'âme à l'union divine. Rien, absolument rien de ce que l'imagination peut se représenter, l'entendement concevoir et la volonté goûter en ce monde, n'est un moyen propre à conduire l'âme à cette sublime union. Au point de vue naturel, l'intelligence ne perçoit les objets que sous des formes et des espèces sensibles, lesquelles, nous le répétons, ne contribuent pas efficacement à l'union qui est spirituelle et divine. Si nous parlons au point de vue surnaturel, tel qu'il peut exister en cette vie, l'entendement enfermé dans la prison du corps manque de la capacité et des dispositions voulues pour concevoir une idée nette et précise de Dieu. Cette connaissance lumineuse est incompatible avec la région ténébreuse d'ici-bas. Il faut nécessairement ou mourir, ou renoncer à sa possession. Aussi Dieu dit à Moïse, L'homme ne saurait me voir et vivre, Exode 33, 20. Nul n'a jamais vu Dieu, affirme saint Jean, citation 1, 18. Saint Paul ajoute après Isaïe, l'œil ne l'a point vu, l'oreille ne l'a point entendu, et le cœur de l'homme ne l'a pas compris, Corinthiens 2, 9. Moïse nous a pas fixé le buisson ardent où Dieu manifestait sa présence, in Actes 7, 32, persuadé que son entendement n'était pas capable de se former une idée digne de la divinité, et cependant cette crainte même révélait le sentiment profond qu'il en avait conçu. Enfin, notre Père Saint Élie ne se couvrit-il pas le visage devant la face du Seigneur, sur la montagne d'Horeb, in 3 Rois, 19, 13, symbole de l'aveuglement de l'intellect, qui n'osait pas considérer un objet si sublime, convaincu qu'il était jusqu'à l'évidence, que toutes ses conceptions particulières étaient très éloignées de Dieu, et tout à fait hors de proportion avec lui, par conséquent, nulle connaissance, nulle appréciation, ne saurait en cette vie mortelle servir à l'âme de moyen assez prochain pour parvenir à l'admirable union de l'amour. Le prophète Isaïe nous le fait merveilleusement comprendre. À qui donc ferez-vous ressembler Dieu, et quelle image en tracerez-vous? Celui qui travaille le fer en a-t-il coulé l'image? Ou bien celui qui travaille l'or en a-t-il fait une statue d'or? Y est celui qui travaille l'argent l'a-t-il représenté avec des lames d'argent? Isaïe 40, 18, 19. Par l'ouvrier qui travaille le fer, on veut dire l'entendement, dont l'office particulier est de former les connaissances, et de les dépouiller du fer des espèces représentatives et des formes matérielles. L'orfèvre signifie la volonté, qui a la faculté de recevoir l'impression et le sentiment des délices, procurés par l'or de l'amour. L'argentier, impuissant à représenter Dieu avec des lames d'argent, désigne la mémoire et l'imagination, dont on peut assurément comparer les idées et les représentations aux lames d'argent, et le tout se résume ainsi. L'entendement avec ses connaissances ne pourra se faire une idée tant soit peu rapprochée de Dieu. La volonté ne saura goûter de délices, ni de suavité comparable à la vraie douceur qui est Dieu. Enfin, la mémoire ne fournira à l'imagination aucune figure qui le reproduise dignement, pour recevoir avec plus de plénitude l'illumination du rayon divin. L'intellect doit renoncer à ses propres lumières, et préférer une profonde obscurité à l'acquisition de toute espèce de connaissance. C'est pourquoi la contemplation par laquelle Dieu éclaire l'esprit se nomme théologie mystique, ou sagesse secrète de Dieu. Elle est cachée même à l'esprit qui la reçoit. Saint Denis l'appelle un rayon de ténèbres, et le prophète Baruch dit, « Ils n'ont pas connu la voie de la sagesse et n'ont pu en découvrir les sentiers. » Citation 3, 23. Pour marcher dans ces sentiers et s'unir à Dieu, il est donc rigoureusement nécessaire de devenir volontairement aveugle par rapport à toutes les autres voies. D'après Aristote, notre entendement est aveuglé en présence de la lumière divine, qui est pour nous une complète obscurité, comme les chauves-souris le sont en face du soleil. Ce philosophe ajoute que plus les choses de Dieu sont élevées et manifestes en elles-mêmes, plus elles nous sont incompréhensibles et obscures. Au témoignage de l'apôtre, la grandeur de Dieu est ce qu'il y a de plus inaccessible à l'homme. Nous n'achèverions pas ce sujet, s'il fallait énumérer toutes les autorités et les raisons qui prouvent à l'envi l'insuffisance des créatures et des conceptions de l'intelligence humaine. Pour s'élever jusqu'à l'être infini de ce Seigneur Tout-Puissant, loin de là, si l'entendement voulait user de tous ses secours, ou de quelqu'un d'entre eux, comme d'un moyen prochain à l'union, il y rencontrerait de nombreux obstacles et s'exposerait à une foule d'erreurs et d'illusions, dans l'ascension de cette montagne mystique. Chapitre 9. Comment la foi est à l'entendement le moyen prochain, et le mieux proportionné, pour acquérir l'union de l'amour divin, preuve tirée de l'autorité et des exemples de la Sainte Écriture. Le lecteur est convaincu maintenant, je l'espère, de la nécessité pour l'entendement d'être purifié et dégagé de tout ce qui peut frapper les sens, vide de toute connaissance distincte, dans le silence et le repos de son activité naturelle pour s'établir solidement dans la foi, seule préparation prochaine et efficace pour l'union. En effet, l'objet de la vision béatifique ou l'objet de la foi est le même. Toute la différence consiste à voir Dieu obscurément dans l'une et à le contempler sans nuage dans l'autre. Dieu est infini, la foi nous le propose infini, il est trinité en personne et unité en nature. Et c'est dans l'unité de ces trois personnes qu'elle offre à nos adorations. Ainsi sa souveraineté se découvre dans une lumière divine au-dessus de toute intelligence, et l'union de l'âme est en raison directe de la grandeur de sa foi. Saint Paul exprimait la même vérité dans le texte cité plus haut. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire premièrement qu'il y a un Dieu, Hébreux 11, 6. Autrement dit, l'entendement se dirige vers Dieu et s'unit à lui au milieu des ténèbres d'une foi nue, le Très-Haut est caché sous cette même mystérieuse obscurité, selon les paroles du roi David. Un nuage obscur est sous ses pieds et il est monté sur les chérubins, et il s'est envolé, il a volé sur les ailes des vents, il a choisi sa retraite dans les ténèbres, il a établi autour de lui comme une tente l'eau ténébreuse des nuées du ciel. Psaume 17, 10. Ce nuage obscur sous les pieds, sa retraite placée au sein des ténèbres, sa tente formée par des nuées ténébreuses, dénote l'obscurité de la foi dans laquelle le Seigneur se dérobe au regard de l'âme, le psalmiste en ajoutant, il est monté sur les chérubins, et il a volé sur les ailes des vents, nous insinue qu'il plane au-dessus de toute intelligence. Car les chérubins signifient des esprits auxquels il est donné de voir et de contempler, et les ailes des vents désignent les connaissances, les conceptions subtiles et élevées de l'intellect, comme l'essence divine les domine tous sans exception, elle est inaccessible à toute créature. La Sainte Écriture nous en offre une figure, lorsque Salomon eut achevé la construction du temple, Dieu y descendit dans une nuée et remplit le lieu saint d'une telle obscurité, que les enfants d'Israël ne pouvaient plus rien distinguer. Salomon s'écria alors, « Le Seigneur a promis de demeurer dans une nuée. » 3 Rois, 8-12, il apparut également à Moïse sur la montagne enveloppée d'un nuage. Exode, 19, 9. Enfin toutes les fois que Dieu daigna se communiquer sensiblement aux hommes, ce fut sous le voile des ténèbres, ainsi qu'on peut le constater encore au livre de Job, où il est écrit que le Seigneur parla à Job du milieu d'un tourbillon. Citation 38, 1, idem, 40, 1. Ces différents genres de ténèbres représentent l'obscurité de la foi dont la divinité s'environne pour se manifester à l'âme. Un jour ces voiles se déchireront. Alors, dit saint Paul, tout ce qui est imparfait, c'est à dire l'obscurité de la foi, sera aboli, et nous serons dans l'état parfait. 1 Corinthiens 13, 10. En d'autres termes, nous serons rendus participants des splendeurs divines, en se disposant à l'attaque de Jéricho. Tous les soldats de l'armée de Gédéon portaient dans des vases d'argile des torches allumées, dont la lumière ne se répandit que lorsque ces vases furent brisés. Judique, 7, 16, la foi, dont ils sont ici la figure, renferme en elle la clarté divine, c'est-à-dire la vérité essentielle qui est Dieu même. Au terme de cette vie mortelle, le vase de la foi sera brisé, et c'est alors seulement qu'apparaîtront la lumière et la gloire de la divinité. En résumé, l'âme saintement avide de s'unir à Dieu et de s'entretenir directement avec lui, doit pénétrer dans la nuée où le Seigneur, au rapport de Salomon, a promis de demeurer. Il lui faut se tenir auprès du tourbillon ténébreux où il daigna révéler ses secrets à Job, et prendre entre les mains les urnes mystérieuses de Gédéon, c'est-à-dire que les œuvres procédant de sa volonté et opérées parmi les ténèbres de la foi, doivent renfermer la lumière, qui est l'union d'amour, jusqu'à ce que, le vase fragile de cette vie étant brisé, elle voit Dieu face à face dans la gloire. Il nous reste maintenant à examiner en détail toutes les connaissances que l'entendement peut acquérir, et à énumérer les obstacles et les torts dont elles sont le principe. Nous dirons ensuite comment l'âme engagée dans le chemin de la foi doit se conduire à leur égard, afin que les notions venues des sens ou de l'esprit, loin de lui nuire, tournent toutes à son avantage. Chapitre 10. Énumération des connaissances et des différentes conceptions de l'entendement. Ayant à traiter de l'utilité et du dommage que cause à l'âme, à l'égard de la foi, les différentes fonctions de l'entendement, il est bon d'établir ici la distinction des connaissances naturelles ou surnaturelles, dont cette faculté est susceptible. Nous pourrons ensuite, avec le plus d'ordre et de brièveté possible, la diriger à travers les ombres de cette nuit de la foi. Or, il faut savoir qu'il y a deux voies par où l'entendement arrive à la connaissance et à l'intelligence des choses, l'une naturelle, l'autre surnaturelle. La voie naturelle embrasse tout ce que l'entendement peut atteindre, soit au moyen des sens corporels, soit par sa propre perspicacité. La voie surnaturelle renferme tout ce qui est engendré dans l'entendement, au-dessus de sa capacité et de son aptitude naturelle. Parmi ces connaissances, les unes sont corporelles, les autres spirituelles. Les premières s'acquièrent de deux manières, elles sont produites dans l'entendement, les unes à l'aide des sens corporels extérieurs, les autres par le moyen des sens corporels intérieurs. On range parmi celles-ci tout ce que l'imagination peut connaître, créer et représenter. Il y a aussi deux espèces de connaissances spirituelles, les unes sont distinctes et particulières, les autres confuses, obscures et générales. La connaissance distincte et particulière comporte quatre différentes manières de se communiquer à l'esprit, sans le secours d'aucun sens corporel. Ce sont les visions, les révélations, les paroles intérieures et les sentiments spirituels. La connaissance obscure et générale est unique, c'est la contemplation obtenue par la foi. C'est vers cet heureux terme qu'il nous faut conduire l'âme. À l'aide de toutes les autres connaissances, nous lui tracerons d'abord sa voie dans les premières, puis nous l'habituerons à s'en dépouiller successivement. Chapitre 11. Quels préjudices peuvent causer à l'entendement les connaissances présentées surnaturellement, au sens corporel et extérieur? Comment l'âme doit se comporter à leur égard? Les premières connaissances, dont nous avons parlé au chapitre précédent, appartiennent à ce que l'entendement acquiert par voie naturelle, en faisant pénétrer l'âme dans la nuit des sens. Nous avons suffisamment exposé cette matière. Il serait donc superflu d'y revenir ici. Nous nous bornerons, dans le présent chapitre, à parler des connaissances et des conceptions que l'entendement se forme surnaturellement, au moyen des sens corporels extérieurs, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le tact. Chez les personnes pieuses, ces sens sont frappés par les objets qui leur sont parfois présentés surnaturellement. Par exemple, les yeux aperçoivent des formes et des personnages de l'autre vie, tel ou tel saint, des bons ou des mauvais anges, des lumières et des splendeurs merveilleuses. L'ouïe perçoit des paroles mystérieuses, tantôt elles sont proférées par ces apparitions, tantôt on ignore d'où elles viennent. L'odorat est frappé par des parfums exquis, dont la provenance est inconnue. De même, ces personnes ressentent dans le goût une saveur extraordinaire, et leur tact éprouve aussi un genre de suavité telle qu'il leur semble être plongé jusqu'à la moelle des os dans les jouissances, et nager dans un torrent de délices, cette douceur, c'est l'onction de l'esprit, qui rejaillit jusque sur les sens des âmes pures et simples, celles qui embrassent la vie spirituelle goûtent ordinairement cette jouissance, du reste, l'affection et la dévotion sensible de l'esprit se répandent à des degrés divers dans chaque âme, suivant ses dispositions. Or, il importe de le savoir, quoique les effets extraordinaires, qui peuvent se produire dans les sens corporels, soient l'œuvre de Dieu, il ne faut jamais s'y complaire, ni s'y confier avec assurance, bien plus, il faut les fuir absolument, sans examiner s'ils dérivent d'un bon ou d'un mauvais principe, plus ils sont extérieurs et corporels, moins il est certain qu'ils aient Dieu pour auteur, car c'est le propre de son être de se communiquer à l'esprit, il y a en effet, pour l'âme, plus de sécurité et un profit plus réel dans les grâces intérieures que dans les consolations sensibles d'où peuvent naître de fréquentes erreurs et de nombreux dangers, le sens corporel se fait lui, même dans ces circonstances le juge et l'appréciateur des grâces spirituelles, et les estime tels qu'il les sent, cependant, il y a autant de différence entre la sensation et la raison qu'entre le corps et l'âme. Et en réalité le sens corporel est aussi ignorant des choses spirituelles qu'une bête de somme est incapable de raisonnement. L'attache à ces opérations extraordinaires entraîne dans le piège de l'illusion, ou du moins apporte un obstacle considérable au progrès de la perfection. Nous l'avons dit, les objets corporels n'ont aucune proportion avec les spirituels. Et on doit toujours craindre de rencontrer dans les premiers l'action du malin esprit, au lieu de celle de Dieu, le démon, ayant plus de prise sur les choses corporelles et extérieures que sur les opérations intérieures, peut aussi plus facilement nous y tromper, lors même que ces formes et ces objets corporels communiquent un effet spirituel, comme il arrive toujours lorsqu'ils nous viennent de Dieu. Néanmoins le profit sera toujours moindre, que si les mêmes manifestations avaient été plus spirituelles et plus intérieures, vu la distance et la disproportion qui existent entre le corporel et le spirituel, elles sont de nature à engendrer l'erreur, la présomption et la vanité. Par leur côté sensible et matériel elles émeuvent beaucoup les sens, et l'âme qui les juge d'autant plus grande qu'elles affectent davantage sa sensibilité, abandonne, pour les suivre, son conducteur assuré. La foi, cette fausse lumière est à ses yeux le moyen et le guide qui la conduiront au but de ses aspirations, c'est-à-dire à l'union divine, mais loin de là, plus elle s'arrête à ses obstacles, plus elle s'écarte du chemin et se prive du moyen par excellence qui est la foi. En outre, l'âme se voyant favorisée de grâces extraordinaires en conçoit secrètement une certaine bonne opinion d'elle-même, elle s'imagine être quelque chose devant Dieu. Or, cette pensée est tout à fait contraire à l'humilité. D'autre part, l'ennemi du genre humain lui suggère de semblables sentiments, qui parfois se traduisent par des signes non équivoques. Dans ce but, il propose souvent des objets surnaturels au sens, il fait apparaître aux yeux des figures de saints, des splendeurs merveilleuses, retentir aux oreilles des paroles astucieuses, pour charmer l'odorat il répand des parfums très suaves, il flatte le goût par d'exquises douceurs et le toucher par d'ineffables délices. Afin d'attirer les sens par tous ses appâts séducteurs, et de les entraîner dans une foule de mots. Règle générale, il faut toujours rejeter ses représentations et ses sentiments, supposer même qu'ils viennent de Dieu, l'âme ne l'offensera pas en agissant de la sorte, et ne laissera pas de recevoir les faits et les fruits dont Dieu veut la gratifier par ses secours. En voici la raison. Dans les visions corporelles et dans les impressions sensibles, ou même dans des communications plus intérieures, si elles sont l'œuvre du Très-Haut, Elles produisent instantanément leur effet dans l'esprit, sans donner à l'âme le temps de délibérer pour savoir si elle doit les accepter ou les rejeter, comme Dieu opère ces choses surnaturellement sans le concours et les efforts de l'âme, ainsi, sans sa coopération, il produit l'effet qu'il veut dans l'esprit, il n'est pas loisible à la volonté d'accepter ou de refuser cette opération, ni même de l'entraver. En vain un homme dépouillé de ses vêtements voudrait-il se soustraire à la douleur d'une brûlure. Si on jetait du feu sur son corps, cet élément produirait forcément son action, ainsi en est-il des visions et des représentations véritables, avant d'agir sur le corps. Elles produisent de prime abord leur effet spécial dans l'âme indépendamment de sa volonté, au contraire, celle dont Satan est l'auteur cause en elle, sans son adhésion, le trouble ou la sécheresse, la vanité ou la présomption d'esprit, à la vérité, ces dernières n'ont pas autant d'efficacité pour le mal que les premières en ont pour le bien, parce que les impressions venant de l'ennemi ne dépassent pas les premiers mouvements, et ne peuvent émouvoir la volonté au-delà de son consentement, aussi l'inquiétude dont elles sont la source ne dure guère. À moins que le peu de recueillement de l'âme et son défaut de courage ne la prolonge, les communications divines pénètrent intimement l'âme, et déposent en elle comme vestige de leur passage une ardeur et une joie victorieuse, qui la pressent de donner un libre et amoureux consentement ou bien elle lui facilite les actes de vertu. Cependant, si l'âme adhère volontiers à ses visions extérieures et à ses faveurs divines, il en résulte six principaux inconvénients. Premièrement, la perfection de la foi, qui doit régir l'âme, diminue infailliblement, en ne fermant pas les yeux à tout le créé, elle se détourne de la voie qui conduit à l'union divine, car les choses expérimentées par les sens portent une grave atteinte à la foi, vertu supérieure à tous les sens, secondement, si l'on ne renonce pas à ces ferveurs, elles font obstacle à la vie de l'esprit. L'âme s'y arrête et cesse de prendre son essor vers l'invisible. C'est là une des raisons alléguées par notre Seigneur à ses disciples pour leur insinuer la nécessité de son éloignement, afin que le Saint-Esprit descende sur eux. Le même motif lui fit interdire à Marie-Madeleine de toucher ses pieds sacrés après la résurrection. Les affermissant ainsi les uns et les autres dans la foi. Troisièmement, l'âme qui s'attache avec un sentiment de propriété à ses visions, ne progresse pas dans la nudité d'esprit et le parfait abandon. Quatrièmement, le fruit et la vertu intérieure de ces communications se perdent, si l'âme concentre son attention sur ce qu'elles ont de sensible, c'est-à-dire sur l'accessoire. Elle reçoit alors avec moins d'abondance l'effet spirituel, qui s'imprime et se conserve dans le cœur en raison de son détachement de toutes les choses sensibles, qui sont diamétralement opposées au pur esprit. Cinquièmement, les faveurs divines reçues avec un sentiment de propriété dont on ne fait pas un bon usage deviennent inutiles, or les accepter volontairement et s'y arrêter, ou bien les conserver avec esprit de propriété et n'en tirer aucun profit réel, c'est tout un. Ce n'est jamais à cet effet que le Seigneur les accorde, aussi dans ce cas ne doit-on pas facilement se persuader qu'elles aient Dieu pour auteur. Sixièmement, par l'adhésion de sa volonté, l'âme ouvre une porte au démon pour la tromper sur d'autres points semblables, car, ainsi que le dit l'apôtre, il peut se transformer en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, et sait fort bien dissimuler et travestir ses suggestions sous une bonne apparence. Avec le secours d'en haut, nous reviendrons sur ce thème dans le chapitre de la gourmandise spirituelle. 3 livres, il y a tout avantage à repousser, les yeux fermés, ses représentations, de quelque part qu'elles viennent, une conduite différente donnerait aux démons force et liberté pour tromper l'âme, et tout au moins l'exposerait à prendre des visions diaboliques pour des visions divines, Il pourrait encore se faire que celles-ci venant à cesser, les premières se multiplient. Alors l'action du démon subsisterait seule dans l'âme au détriment de celle de Dieu. Tel est le sort de beaucoup d'âmes ignorantes, victimes de leur imprudence, elles reçoivent ces communications avec trop de sécurité, et leur retour à Dieu dans la pureté de la foi leur coûte alors de pénibles efforts, un grand nombre même n'y reviennent jamais, tant les illusions du démon ont jeté en elles de profondes racines. C'est pourquoi il est sage de fermer l'entrée de notre âme à toutes ces visions par une crainte salutaire, en repoussant les mauvaises on évite les tromperies infernales, et à l'égard des bonnes on surmonte l'obstacle à la vie de la foi, dont l'esprit recueille alors tous les fruits. Dieu enlève ses grâces aux âmes qui s'y attachent avec un sentiment de propriété et n'en tirent pas de profit. En même temps le démon exploite cette disposition et multiplie les siennes, l'âme lui en donnant l'occasion et la facilité. Au contraire, l'âme pratique-t-elle sous ce rapport l'abnégation et le véritable dépouillement, le démon cesse d'agir à la vue de l'inutilité de ses efforts, et Dieu augmente ses faveurs dans ce cœur humble et dégagé, il l'élève et l'initie à de grandes choses, comme le serviteur, qui fut trouvé fidèle dans les petites, Matthieu, 25, 21. Si la fidélité de l'âme est soutenue, le Seigneur ne laissera pas tarir la source de ses grâces. Il la conduira ainsi peu à peu jusqu'à l'union et à la transformation divine. Le Seigneur tient le plus souvent cette ligne de conduite envers l'âme. Il la met d'abord dans le creuset de l'épreuve pour l'élever ensuite. Il commence par la visiter plus sensiblement, d'une manière conforme à sa petite capacité, et si elle prend comme elle le doit ce premier aliment avec sobriété, à dessein de se nourrir et de se fortifier, il lui donne ensuite une nourriture plus forte et plus substantielle, en sorte que si l'âme est victorieuse du démon dans ce premier degré de la vie spirituelle, elle passera au second. Et si elle triomphe en celui-ci, elle gravira le troisième, ainsi elle parcourra successivement les sept demeures, qui sont les sept degrés d'amour, jusqu'à ce que le céleste époux l'introduise dans le cellier mystique où il tient en réserve le vin de sa parfaite charité, Cantique, 2, 4, heureuse, mille fois heureuse l'âme qui a su combattre contre la bête de l'Apocalypse, dont les sept têtes, Apocalypse, 13, 1, sont opposées à ces sept degrés d'amour. Chacune de ces têtes correspond à un de ces degrés, et lutte contre l'âme qui s'exerce à gravir le sentier de l'amour divin. Si l'âme repousse avec énergie ses attaques, elle remportera indubitablement la victoire et méritera de passer de demeure en demeure jusqu'à la dernière, après avoir abattu les sept têtes de la bête qui lui livrait une guerre si acharnée, il lui a été permis, nous dit Saint Jean, de faire la guerre aux saints et de les vaincre, Apocalypse, 13, 7. À combien il est lamentable de voir la multitude de ceux qui, après être entrés dans cette lice de la vie spirituelle, n'ont pas le courage de couper la première tête de la bête. En renonçant au plaisir sensuel du monde, plusieurs même de ceux qui remportent cette première victoire, ne tranchent pas la seconde tête, c'est-à-dire, les visions extérieures dont nous parlons ici. Enfin, un spectacle encore plus digne de compassion, c'est celui de ces âmes qui, ayant abattu non seulement la première et la deuxième tête, mais encore la troisième qui représente l'essence intérieure, sont vaincus par la bête elle-même, après avoir franchi les limites de la méditation et celle d'une oraison plus élevée, au moment d'entrer dans la pureté d'esprit, ce monstre se dresse de nouveau contre eux et les terrasse, sa première tête retrouve une nouvelle vigueur, et avec cet autre esprit plus méchant que lui, il reprend possession de ces âmes dont l'état devient pire que le premier, Luc 11, 26. Ô homme spirituel, voulez-vous vaincre cette bête furieuse? et pénétrer par une foi vive dans la première et dans la deuxième demeure du Saint-Amour, renoncer à toutes les connaissances, à toutes les délectations qui affectent les sens extérieurs, ces attaches, croyez-moi, sont le plus grand obstacle à la nuit spirituelle de la foi. Ces visions et ces connaissances n'ont aucune proportion avec Dieu, et sont incapables, vous ne l'ignorez plus, de servir de moyens immédiats à l'union. Tel fut assurément le motif de la défense que le Christ fit à Marie-Madeleine de le toucher, et il trouvait plus parfait de voir l'apôtre saint Thomas s'abstenir également de mettre la main dans ses sacrées plaies. Le démon tressaille de joie en voyant une âme accepter volontiers les révélations, et même aller au-devant. Il trouve dans cette disposition de fréquentes occasions de lui glisser le poison de l'erreur, et de la détourner autant que possible de la vie de la foi. Celui qui les souhaite tombera dans de graves illusions, et sera inévitablement assailli de nombreuses tentations aussi vaines que dangereuses. Je me suis un peu étendu sur ces connaissances extérieures, afin de jeter plus de lumière sur celles que nous devons traiter ensuite. Cependant, cette même matière est si intarissable que je crains encore d'avoir été trop bref, en me bornant à donner ce conseil de ne jamais accepter les visions, révélations et autres choses extérieures et sensibles, si ce n'est dans de certaines circonstances très rares, et après mûr examen de personnes doctes, spirituelles et expérimentées. Dans cette conjoncture même, il ne faut jamais les désirer.